Mariage c'est un vrai bonheur, surtout leur rencontrer une fille ou remet. C'est pas courir dit qu'on peut le marier sans pas qu'on choisit. Wow, wow, wow, wow. Seul conseil que me cabane, dix jeunes gens de mon pays, toujours sûr de tête ton que nous d'amour avant nous marier. Le savoir vivre heureux, tout qu'on veut marier à Cathy et moi. Wap non lune de miel qui peuvent jamais qu'elle fait tant que wap heureux. Wow, wow, wow, tout le temps y'en a l'autre à jouer. Comme deux enfants de création. Tout danser, dou dou dou dou dou dou dou dou, même de y'a danser. Caresser, faut toujours aimer Doudou. Caresser, faut embrasser Doudou. Caresser, caresser Doudou.